Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon monde. Le micro comme parloir, comme parloir. TS9. T'as vu ça en son lourd, histoire de bien représenter, histoire de pouvoir présenter le nouveau SKU d'indignité. Soit le monde comme une prison, l'homme comme un maton, la musique comme un couloir et le micro comme un parloir. Bienvenue dans l'arène, c'est un son de gladiateur. Mon colisée décharge la haine et mes phrases contre l'empereur. Moi c'est TS9 et armé jusqu'aux dents. Je me bats avec ma plume, le rap c'est pas juste un passe-temps. Je cherche à me vider l'esprit car la haine s'accumule. Décharger ma rage entre les vers est quelque chose qui me stimule. Et puis dénoncer des faits, des trucs qui me vénèrent. Représenter les poteaux, vite dédicace à MLR. Bienvenue dans mon monde, des frangins tu vas kiffer. Je viens refaire l'histoire, ta terre pourrie c'est du passé. Oublie toutes les frontières, et zappe ta religion. Pas d'état éphémère, je les ai virés à coups de canon. Je parle de langue de pute, pas de pédophiles en route. Pas de gens qu'on les pépette, pas de gamines en mini-jupe. Je légaliserai la ganja, j'interdirai la cam. Je détruirai le Prozac, il n'y ait plus de drame. Je ferai une arène pour les combats de dictateurs. Pour qu'ils se tapent entre eux et qu'ils assument être des tueurs. Et chez moi pas de police, pas de flic ni de milice, pas de taser ni de bavure. Pour un monde un peu plus pur, y'aura pas de films de cul, de femmes qui posent toutes nues. Plus de films de Eve avec des dealers de rêve. Plus de publicité, histoire d'enculer les gens. Plus de supermarchés, mais juste des commerçants. T'as vu ça en son lourd, histoire de bien représenter. Histoire de pouvoir présenter le nouveau SKU d'indignité. Soit le monde comme une prison, l'homme comme un maton, la musique comme un couloir et le micro comme un parloir. Bienvenue dans l'arène, c'est un son de gladiateur. Mon colisée décharge la haine et mes phrases contre l'empereur. Moi c'est TS9 et armé jusqu'aux dents. Je me bats avec ma plume, le rap c'est pas juste un passe-temps. Il n'y aura pas d'enfants esclaves qui fabriquent des chaussures, plus de gouvernements mafieux qui vendent de la drogue dure, plus de mensonges dans les médias, plus de journaux apprivoisés, des pots de vent en mode secret que l'on sache la vérité. Plus de gens qui crèvent de faim, plus de télé qui nous rend fous, plus de vieux qui matent des seins, plus de juifs qui pensent aux sous, plus de jeux avec du sang, plus de cervelle dans les rangs, avec plus de neurones dans l'armée. Les jeunes sont désarmés, moins de gens qui font la gueule et plus qui se croient tout seul. Et toi ça te donne la gaule quand tu vois une meuf qui est saoule. Qu'il n'y ait plus de noir et blanc, pas de couleur dorénavant. Qu'on puisse revenir dans le temps et qu'on soit tous frères de sang. Je ne veux plus d'a priori, juste des gens qui me sourient. Pas de peur dans les yeux des vieilles car j'ai poney boucle d'oreille. Chez moi pas de pollution, pas de guerre de religion. Pas de guns qui sont vendus et pas de nazes dans les rues. T'as vu ça en son lourd, histoire de bien représenter. Histoire de pouvoir présenter le nouveau SKU d'indignité. Je vois le monde comme une prison, l'homme comme un maton, la musique comme un couloir et le micro comme un parloir. Bienvenue dans l'arène, c'est un son de gladiateur. Mon colisée décharge la haine et mes phrases contre l'empereur. Moi c'est TS9 et armé jusqu'aux dents. Je me bats avec ma plume, le rap c'est pas juste un passe-temps. Je ne veux plus de blindés de thunes pendant que d'autres crèvent en bas. Qu'ils ramassent des fortunes et nous montrent du doigt. Je ne veux plus de médecine, synonyme de boucherie. Que l'on raconte des mythos, que pour le cancer faut une chimio. Chez moi pas de peine de mort, pas de gens qui ont tort. Pas de discrimination, pas de FN avec leur porc. Je ne veux pas de leader corps, des gens qu'on glorifie. Ferme ta putain de gueule, chez moi on prône la modestie. Je veux plus de solidarité pour l'Afrique et ses enfants. Elle est notre terre mère et nous sommes ses descendants. Je ne veux plus de rap de merde qui parle de gun et de prison. Je préfère les stars en mer qui ont bien plus de raisons. Je ne veux pas de gens qui votent pour tout et n'importe quoi, juste parce qu'on leur a dit que voter était un droit. Je ne veux personne au pouvoir, le faire genre c'est nécessaire. Je veux pour l'amour une prière et plus de respect pour la terre. T'as vu ça en son lourd, histoire de bien représenter. Histoire de pouvoir présenter le nouveau SKU d'indignité. Je vois le monde comme une prison, l'homme comme un maton, la musique comme un couloir et le micro comme un parloir. Bienvenue dans l'arène, c'est un son de gladiateur. Mon colisée décharge la haine et mes phrases contre l'empereur. Moi c'est TS9 et armé jusqu'aux dents. Je me bats avec ma plume, le rap c'est pas juste un passe-temps. T'as vu ça en son lourd, histoire de bien représenter. Histoire de pouvoir présenter le nouveau SKU d'indignité. Je vois le monde comme une prison, l'homme comme un maton, la musique comme un couloir et le micro comme un parloir. Bienvenue dans l'arène, c'est un son de gladiateur. Mon colisée décharge la haine et mes phrases contre l'empereur. Moi c'est TS9 et armé jusqu'aux dents. Je me bats avec ma plume, le rap c'est pas juste un passe-temps. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon monde. TS9, TS9, TS9, 2009, le micro comme parloir, comme parloir, comme parloir, comme parloir.